27 ans de vie déjà. Je me demande si je devrais pas m'arrêter là. Qu'est-ce qu'il me faudrait, moi je sais pas. Le spleen et le blues se repointent malgré déjà. Je me rappelle de personnes qui m'ont dit qu'après la pluie il y a le beau temps. Qu'après d'avoir connu quelque chose dans la vie, c'est le contraire après. Il faudrait juste être patient. À 27 ans, mon foie me dit arrête ça. Mes poumons me disent, tu sais, il existe des infusions. Boum, boum, allez, l'alcool te détruit, il a raison, je crois. Mais pour lui, le cannabis te construit quoi? Des cancers et des hallucinations? À 27 ans, je ne suis pas encore mort. Quoique ça, je ne sais pas encore. Toutes les nanas que j'étais amoureux autrefois, c'est de cela que seule la sensation d'exister à nouveau pourrait faire son effet.